Le beau Fabricien, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Le beau Fabricien, à Edmond Cottinet. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire du beau Fabricien? On peut bien la dire sans honte, car il était homme de bien, et dessus tout fort bon chrétien. Fort bon chrétien, il faut s'entendre, je ne veux rien exagérer. Or, il avait le cœur si tendre qu'il fut convaincu d'adorer celle qu'il suffit d'honorer. Quand il passait dans une enceinte, vieille ville ou jeune cité, qui portait le nom d'une sainte, il était aussitôt tenté d'une grande témérité. Il voulait connaître une femme portant le nom de chaque lieu, lui faire partager sa flamme, et puis la fuir comme le feu, sans seulement lui dire adieu. Il trouva bien la Madeleine, Sainte Lucie et Sainte Croix, Sainte Colombe et Sainte Hélène, Sainte Marie en mains endroits, et Sainte Anne plus d'une fois. Mais il dut clore son programme et perdre en un jour son renom. Il ne put jamais trouver femme portant ce joli petit nom. Sainte Ménéhould. Ma foi, non. Fin de Le Beau Fabricien. Enregistré par Stéphanie.